Dites-moi, à quelle page du livre des droits humains ils ont écrit qu'on peut traiter un être humain de cette façon? Où est-il écrit qu'on puisse séparer une mère de sa fille pendant 10 jours? Ça fait 10 jours que je suis ici. On me traite très mal. Au cours de ces 10 jours, on m'a annoncé 3 fois qu'on allait m'expulser. Mon moral est très bas, je suis malade, je n'ai pas de nouvelles de ma famille. En Iran, j'étais directrice d'une crèche, j'avais une vie assez confortable. J'ai juste quitté l'Iran à cause de mes problèmes. Je n'arrive pas à y croire. Pourquoi dois-je me retrouver ici dans une prison? Très mal. Comme des animaux. Je vous donne un exemple. Mon mari a pris un avocat pour moi et l'avocat m'a dit que je pouvais introduire une 2e demande d'asile d'ici. Je l'ai fait et on me l'a refusé à nouveau. Le lendemain, ils sont venus et m'ont dit qu'ils allaient m'expulser. On m'a séparé des autres et on m'a amené au 2e étage. J'ai attendu pendant 2 heures dans une pièce avec 2 policiers. À la fin, ils sont venus et m'ont dit qu'il fallait y aller. Mais ils parlaient anglais et moi, je ne comprenais rien. La seule phrase que j'ai répétée, c'était « Aidez-moi ». Mais personne ne m'écoutait. Je me suis attachée au radiateur pour me défendre. Ils m'ont frappé si fort sur la main que j'ai des bleus sur les doigts. Il y avait 10 personnes avec des gants. On m'a soulevée de terre comme on soulève un mouton. Pouvez-vous l'imaginer? On m'a jetée dans un camion de police comme dans une cage. À l'aéroport, j'ai embrassé les mains de tous les policiers. Personne ne m'a écoutée. On m'a traité comme un déchet. Nous sommes des demandeurs d'asile. Nous avons quitté notre pays. Ce n'est pas parce que nous n'avions pas de maison. Nous ne sommes pas des analphabètes. Depuis que je suis venue en Europe, je n'ai pas vu les droits de l'homme dont on parle tout le temps, et encore moins les droits de la femme. Pourquoi casse-t-on ma personnalité? Qui est responsable des crises de ma fille? Nous sommes juste venus pour introduire une demande d'asile. Si je perds ma fille, je n'aurai plus rien. Je n'aurai aucune raison de me battre. Je connais les lois. Et je sais que rentrer dans un pays sans permission, c'est contre les lois, mais pas comme ça. On a juste fait une demande d'asile. Pourquoi on m'a pris ma fille? Pourquoi on m'a séparée de ma famille? On ne peut pas rentrer en Iran. Pourquoi doit-on être en prison?